Chapitre 7e. Jérémie décrocha. Oui. Monsieur Emerson, où êtes-vous? Sur l'île de Madère, en excursion. Bien, il est dommage que vous ne soyez pas devant votre ordinateur, mais nous patienterons jusqu'à ce soir. Jérémie lui coupa la parole. Je crains qu'il ne vous faille attendre même jusqu'à demain. Ne poussez pas le bouchon trop loin, monsieur Emerson. La voix se faisait menaçante, mais Jérémie savait qu'il était en position de force et ne faiblit pas. Nous avons décidé de vous donner le remède. Nous faisons preuve de bienveillance à votre égard et nous espérons en échange de bons procédés, si vous voyez ce que je veux dire. Je le crains, en effet, mais j'y suis préparé. Donc, en échange de notre bonne volonté, vous continuerez de travailler pour nous une bonne dizaine d'années. Et par-dessus tout, vous trouverez l'antidote à ce virus. Je travaillerai pour vous, certes, mais pas 10 ans. Je vous en propose 5. 7, reprit la voix aussitôt. 5, asséna Jérémie fermement. À prendre ou à laisser. Et je dois dire qu'en 5 ans, si je ne trouve pas ce remède, personne ne le trouvera. Vous avez l'air vraiment un peu trop sûr de vous, monsieur Emerson. Nous verrons. Je connais mes capacités, c'est tout. Sommes-nous en accord? Il y eut un silence de quelques minutes. Jérémie transpirait à grosses gouttes. Il regardait Harmonie qui l'attendait tranquillement allongée. Il savait qu'il jouait un jeu dangereux, mais si c'était pour lui donner quelques années en plus, il était prêt à tout. Soudain, la voix reprit comme à contre-cœur. Nous avons un accord, mais vous devrez trouver cet antidote. Tant que vous ne l'aurez pas, vous devrez travailler en ce sens. Par contre, vous devez sitôt rentrer sur le navire, nous renvoyer l'intégralité de la clé USB. Et je le précise, aucun cas, faire une copie de ce téléchargement. Est-ce clair? Limpide. Mais vous ne croyez tout de même pas que je suis aussi facile à berner? Je veux le traitement avant, et lorsque je serai en sa possession, de retour sur le bateau, je vous enverrai ce que vous me demandez. Un autre silence, moins long cependant, et toujours la voix, même voix impersonnelle. Fort bien. Votre prochaine escale dans 2 jours sera à Napoli. Effectivement. Vous vous rendrez dans la rue des Santons, la Via San Gregorio Armeno, jusqu'à la pizzeria du même nom. À une table sera assis devant un carton à pizza un homme aux cheveux blonds. Il aura un accent allemand. Vous lui demanderez « Quelle est la pizza que vous préférez ?» Il vous répondra « Celle-ci, je vous en prie, goûtez-la. » Vous prendrez le carton et devrez retourner aussitôt au navire. Il faudra être ponctuel. Si vous avez ne serait-ce que 5 minutes de retard, l'homme ne sera plus là. Il vous attendra à 17h30, précise. Votre navette part exactement 30 minutes plus tard, juste le temps pour revenir sur vos pas. Vous serez protégé tout le temps que vous resterez sur ce navire et aux escales. Ensuite, vous devrez nous donner vos coordonnées pour que l'on puisse vous joindre. Est-ce bien compris, monsieur Emerson? Bien compris. Et l'homme à qui j'ai dérobé la clé? Nous nous en occuperons en temps voulu. Ne soyez pas en retard, monsieur Emerson. Bonne fin de croisière. C'était dit sur un ton si plaisant que Jérémie ne put s'empêcher de sourire. Il revint, essayant de faire abstraction de ce qu'il avait dû consentir. Un sacrifice de 5 ans, au moins, n'était pas si facile à digérer. Et puis, il lui faudrait tout faire pour trouver un antidote à cette belle saloperie avant qu'il n'arrive un accident avec ce fichu virus. Il revint vers Harmonie et lui prit la main. Tout en douceur, il la porta à ses lèvres et lui demanda. Êtes-vous assez remise pour contempler ce paysage de rêve avec moi? Pour toute réponse, elle se leva et, sans lâcher sa main, se dirigea vers le promontoire. Il l'entoura de ses bras et, penchant la tête vers son oreille, c'est la plus belle vue du monde, surtout parce que c'est avec vous que je la découvre. Harmonie s'appuya sur son torse et répondit. Vous avez entièrement raison. Qu'est-ce qu'une belle vue si l'on est seul? Avec vous, elle a une saveur merveilleuse. C'est, cela restera le plus beau souvenir de toute ma vie. Regardez cette mer si bleue, ce ciel si tendre, ces fleurs multicolores partout, cette côte découpée fendant les flots, ce parfum enivrant. Elle se tourna vers lui et continua. Pas seulement le parfum des fleurs, mais le vôtre. Je suis certaine que c'est Acqua di Gio, le parfum d'homme que j'ai toujours adoré, sans que jamais je n'aie pu trouver la personne qui le porterait aussi bien que vous. Vous me faites vivre un rêve éveillé. Jamais je n'aurais assez de mots pour vous en remercier. Jérémie se perdait dans les profondeurs de ses yeux d'ambre si doux. Il ne put résister davantage, et la serrant contre lui, l'embrassa à pleine bouche. Leur baiser fut violent, dévastateur. Lorsqu'ils se séparèrent haletants tous deux, ils comprirent que jamais ils ne pourraient oublier cet instant. Harmonie se tourna encore une fois vers cette vue qu'elle avait tant espérée. Elle se remplissait de tout ce paysage somptueux. Il la laissa goûter en paix jusqu'à ce qu'il vît miroiter deux larmes. Il fit semblant de ne pas s'en apercevoir et gaiement lui dit « Si vous croyez que la visite se termine ici, vous avez tort. À moins que vous soyez trop fatigué pour continuer. Mais en ce cas, je vous porterai sur mon dos. » Elle rit de bon cœur et lui assura qu'elle était pleinement remise de son petit malaise. « Qu'avez-vous encore concocté ?»« Une visite dans le quartier des artisans, oui ?»« Bien volontiers. » Elle regarda une dernière fois le magnifique panorama, et ils redescendirent calmement, main dans la main, jusqu'au téléphérique. Ce dernier n'était pas aussi bondé qu'à l'aller. Ils firent la traversée pratiquement seuls. Harmonie trembla devant le vide. Jérémie la tint alors serrée tout contre lui. Ils déambulèrent dans de petites ruelles où les portes des maisons étaient peintes de toutes sortes de fresques. Des sirènes, des fleurs bien sûr, des flammes, chose plus surprenante, des immeubles. Ils s'amusaient comme des enfants à découvrir avec délice toutes ces jolies choses. Puis vinrent les boutiques artisanales, des brodeuses sur le pas des portes, devant des ouvrages si fins, si délicats, qu'ils se figèrent pour les contempler un long moment. Harmonie, Jérémie se pencha vers une vieille femme, et sur un signe de tête d'acceptation, elle sortit de son panier un magnifique mouchoir de dentelle brodé de roses. Il lui mit en main un billet et tendit à Harmonie le présent. « C'est trop, Jérémie. Comment encore vous remercier? J'ai l'impression de ne plus faire que cela. » « Alors ne le faites pas. Vous l'aimez? Je serais vraiment difficile si c'était le contraire. Merci. » Il lui mit un doigt sur la bouche. « Chut, je ne veux plus entendre de merci à partir de maintenant. Cela finit par gâcher ma joie d'offrir, s'il vous plaît. D'accord, mais pas demain. Continuons, voulez-vous? » Ils reprirent leur cheminement vers des boutiques de vannerie, une autre spécialité de l'île. C'était fou ce que l'on pouvait exécuter avec simplement quelques brins d'osier, toutes sortes d'animaux, de paniers, de formes, et ils s'exclamèrent devant, ébahis par tant d'imagination et de talent. Dans les petites ruelles qui menaient vers la grande place, certains murs portaient des azuleiros, ces carrés de mosaïque bleue, si typiques du Portugal. Ici, à Madère, ils représentaient des scènes de la vie de tous les jours, mais en des temps reculés. Comme cette scène où l'on transportait des malades dans des draps jusqu'à l'hôpital, ou bien encore cette coutume de descendre en traîneau d'osier. Deux hommes forts derrière poussaient l'engin, qui dévalait les pentes à toute vitesse, sans frein. Il fallait maîtriser parfaitement le traîneau pour ne pas avoir d'accident. Jérémie, qui jetait de temps à autre des coups d'œil furtifs à la jeune femme, vit qu'elle commençait à être sérieusement fatiguée. Son teint avait pâli et elle s'efforçait de ne rien montrer de sa lassitude. « Bien, je vous emmène vous reposer. » « Où ça? Il n'est pas encore temps de rentrer ?» Il commence à se faire tard et nous devons être à l'heure au restaurant. D'ailleurs, je crois, sans vous offenser, que ce soir je dînerai dans ma suite. J'avais espéré vous inviter ailleurs, mais vous avez raison. Je suis en train d'abuser de vos forces. Rentrons. Ailleurs? Ce n'est guère important. J'aimerais savoir. Eh bien, il existe une plage, la Praia Formosa, la plus grande des plages de l'île. où le soleil couchant devient un merveilleux spectacle romantique. Là-bas, quelques bons restaurants sur le bord de mer offrent non seulement une nourriture savoureuse, mais également la possibilité d'admirer ce coucher de soleil. Allons-y, décida-t-elle. Je m'en voudrais s'il vous arrive encore d'être mal. Je suis lasse, certes, mais j'ai aussi surtout très faim. Le petit déjeuner de ce matin, bien qu'abondant, est déjà très loin. Là, en cet instant, si je m'évanouissais, ce serait d'inanition. Alors c'est parti. Ils se dirigèrent vers un taxi qui les emmena vers la pointe sud de l'île et se régalèrent de fruits de mer et de poissons épais, la spécialité de Madère. Ce poisson était une pure horreur à voir, des yeux globuleux, des dents de scie, mais une chair si savoureuse que l'on oubliait bien vite son aspect repoussant. Je suis désolée de n'avoir eu le temps de vous faire visiter les jardins des orchidées. Il y en a des centaines d'espèces et de couleurs. Eh bien, ce n'est pas grave du tout. À vrai dire, je n'aime pas vraiment ces fleurs. Je préfère celles qui ont une senteur, comme les roses, les frésias, les jacinthes. Il la prit au mot et s'ensuivit un petit concours de fleurs à parfum. Du mimosa? Oh oui, excellent. Les narcisses. Le muguet. Ce petit jeu dura jusqu'à ce que le soleil se noie dans l'onde. La nuit fut alors remplie de parfums subtils, du doux murmure des vagues. Ils se tinrent dans les bras l'un l'autre en silence. Lorsque l'heure arriva de rentrer au bateau, ce fut à regret qu'ils se séparèrent. Jérémie souhaita une belle nuit à la jeune femme, craignant d'avoir abusé de ses forces, mais cette dernière l'invita à prendre un café. Il ne sut refuser, mais se promit de rester sage. Ils passèrent encore une bonne heure sur le balcon, en sirotant leur café, presque en silence, tellement tout avait été dit avec les yeux et le cœur. Puis Jérémie se leva, la serra contre lui, l'embrassa passionnément et s'en alla. À demain, au déjeuner. Elle acquiesça. Elle était si fatiguée que, sitôt déshabillée, elle se coucha, s'endormit et n'entendit même pas la poignée de sa porte tourner. Cette dernière ne s'ouvrit pas. Harmonie, toujours précautionneuse, avait enclenché la sécurité pour être certaine de ne pas être dérangée au petit matin par les fêtards sortant de discothèques et se trompant souvent de porte.